mais qu'est-ce que j'entends ? C'est le générique de Joie, Rage et Courage. Après plusieurs mois d'absence, voici Joie, Rage et Courage qui revient à des horaires différents, mais toujours avec aussi peu de talent. Et oui, pour une nouvelle saison sur le 89.5 de Radio Audio et sur le radioaudio.org. On quitte notre horaire habituel du dernier lundi du mois pour arriver boum boum sur l'horaire du 19h le dimanche, à chaque fois le troisième de chaque mois. Et oui, donc à chaque fois un thème, et puis à côté de ça, qui sera développé du coup en musique, en son, en reportage, en interview, et puis avec des longs soliloques, bah voilà, et des E, et des pans, et des blancs, et des booms du micro qui tombent, et voilà quoi. Joie, rage et courage. Et de quoi qu'il va parler Joie, Rage et Courage ce mois-ci ? Eh bien, Joie, Rage et Courage va aborder le thème de l'ensauvagement. Et oui, et quand on parle de sauvage, qui on appelle ? On appelle Darmanin, on appelle Chevènement, on appelle les flics et on appelle le Covid. Ouh, une heure sympathique. Ben voilà, on va partir. Et c'était quoi le point de départ de cette émission ? Eh ben, c'était ça. Ministre de l'Intérieur, la France s'en sauvage. La France est malade de son insécurité. Est-ce grave ? Alors, je ne pense pas que la France s'en sauvage. Je pense qu'une certaine partie de la société connaît ce qu'on appelle l'ensauvagement, des actes de sauvagerie. Et oui, bien sûr, ça inquiète nos concitoyens, et notamment mais la France est malade de son insécurité. Oui, la France connaît des faits d'insécurité graves, d'autant plus inquiétants, Monsieur Bourdin, qu'ils touchent les Français populaires. C'est les Français qui travaillent tard le soir, tôt le matin, qui vivent dans les HLM, qui vivent dans les zones pavillonnaires, qui connaissent le plus l'insécurité parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer la sécurité que peuvent se payer les Français les plus riches. On le sait tous, il y a des endroits plus difficiles à vivre que d'autres. On est plus inquiet pour ses enfants qu'ailleurs. Voilà. Et donc le rôle de l'État, le rôle du ministre de l'Intérieur, bah c'est d'être la protection de ceux qui n'ont pas de relation. Donc une forme de banalisation de la violence. Le président de la République a utilisé le mot et je le crois très juste. Banalisation de la violence. Et oui, banalisation de la violence. Et ben, c'était il y a quelques mois. C'était, je sais plus trop. Je crois que c'était suite à des petites émeutes après une qualification d'un club de foot en demi-finale ou en finale de Champions League. Bref, voilà. Mais c'était que ce soit à cette occasion-là ou à l'occasion d'un tir de mortier sur un commissariat ou à l'occasion d'un fait divers quelconque. Bref, cette question de l'ensauvagement revient régulièrement, de temps en temps, car rappelez-vous, il y a quelque temps, on entendait également ce genre de son. À l'occasion de ses vœux à la presse, Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur, s'est visiblement montré ce soir agacé par le mouvement des chômeurs. Il estime que les forces de l'ordre ont autre chose à faire que d'évacuer les lieux publics occupés. Monsieur Chevènement. Oui, c'est certainement mieux à faire que de tirer par les pieds des spécialistes des sit-ins. Je pense qu'on la demande dans les quartiers chauds, où de jeunes sauvageons brûlent la voiture de leurs voisins, ou bien encore, on aimerait voir les CRS sur les pistes de ski, où ils assurent aussi la sécurité. Disons que la police, elle a beaucoup de choses à faire. Moi, on me la demande partout, tout le monde me demande des renforts. Tout le monde, sauf moi. Voilà, ça c'était il y a quelques temps, c'était il y a quelques années, sur un gouvernement dit de gauche. Enfin, du gouvernement de gauche, le ministre de l'Intérieur, Chevènement, employait les mêmes termes que Darmanin. Cette question de sauvagement, c'est un truc de sauvage et d'ensauvagement, c'est un truc qui du coup revient régulièrement depuis des années, des siècles, qui en fait pourrit un peu, qui en fait à chaque fois amène un débat un peu biaisé dans la population, car c'est souvent du coup les prémices d'un nouveau avancement d'un état sécuritaire. Donc, avec une sortie comme ça, et ensuite des déploiements de police, des actions, des nouvelles lois, etc. Du coup, c'est de ça qu'on va parler, et on va faire le lien avec la situation du Covid. Alors, attention, grand écart, me direz-vous. Peut-être, mais peut-être pas. Du coup, voilà, ça va être le sujet de l'émission. On va passer à un premier morceau. Alors, c'est un morceau qui date, un texte qui est mis en musique par un rappeur qui s'appelle Virus. Un texte de Géant Rectus qui s'appelle L'Hiver, qui est tiré de du soliloque du pauvre. C'est un livre qui a été édité à la fin du 19e siècle, 1897 de mémoire. Et du coup, c'est un texte d'un gars, un peu comme moi dans le studio, qui parle tout seul. C'est l'hiver qui arrive. Et il parle sur l'hiver et tout ce qui va avec. Et du coup, ce texte, il date d'il y a un siècle, plus d'un siècle, mais il est terriblement d'actualité. Allez, l'hiver, c'est parti. Après dîner, v'là le temps ou dans la presse, en train ou de lancement de putain, on va redécouvrir la détresse, la purée et les purotins. Les journaux, même ceux qui ont de la guigne, vont être pleins d'appels larmoyants, plein de sanglots à trois sous la ligne. Ce qui va s'en évader des larmes, en couler de la pitié. Plein de l'épaule, c'est comme vendre ses charmes, c'est un vrai commerce, un métier. On n'est pas muf en France, on ne s'occupe que des malheureux. Et boum, la bienfaisance bat le tambour sur les ventres creux. L'hiver, les murs sont pleins d'affiches pour fêtes de charité. Car pour nous secourir le monde riche, faut qu'il gambille à notre santé. Grâce à la misère, on rigole pendant la saison. Faut qu'ils vivent les rastaquaires et faut bien qu'ils redorent leur blason. Ceux de la politique, ils se gagnent une popularité. Pour ça, le moyen le plus pratique, c'est de chialer sur la pauvreté. Moi, je me dirais, tiens, y'a du bon. Le jour où je verrai socialiste et royaliste tomber de faim dans le palais Bourbon. Merde, v'là l'hiver et ses duretés. Merde, v'là l'hiver et ses duretés. Merde, v'là l'hiver et ses duretés. Merde, v'là l'hiver et ses duretés. Car tout le monde parle de pauvreté d'une manière magnifique et ample. Vrai de vrai, y'a de quoi en rôter. mais personne veut prêcher d'exemple. Ainsi regardez les employés, ceux de l'assistance évidemment, qui n'assistent qu'aux enterrements des pauvres qui paient pas leur loyer. Puis contemplons les artistes, peintres, poètes ou écrivains, car ceux qui font des sujets tristes nagent dans la gloire et les bons vins. Pour eux les pauvres c'est une bad chose, un filon, une mine, un boulot. Ça se met en drame, en vers, en prose, et ça fait faire de chouettes tableaux. Oui j'ai remarqué, mais j'ai peut-être tort, ceux qui se font nos interprètes, en geignant sur notre triste sort, se retirent tous après fortune faite. Ainsi tenez en littérature, nous avons notre Victor Hugo qui a tiré des mendigots, de quoi caser sa progéniture. En peinture, y'a un troupeau qui gagne la forte somme à nous peindre plus top que nous sommes. Les poux aussi vivent de notre peau. L'en faut des pauvres, c'est nécessaire, tout un chacun s'exerce. S'il n'y avait plus de misère, ça pourrait bien ruiner le commerce. Mais je vais vous dire mon sentiment, c'est trop d'hypocrisie. Plaindre les pauvres, assurément, ça rapporte plus que la poésie. Je le prouve, c'est du pain assuré. Et quant aux pauvres et non castères, jour où y'en aurait plus sur terre, bien des gens seraient dans la purée, soit. Mais moi je vais sortir de mon antre avec le cœur et l'estomac, plein de soupirs et de fumée de tabac. Pas de quoi faire la danse du ventre, j'en ai soupé de ne pas briefer, d'être de ceux à ses pantoufles pour infuser dans la mistouffe. Quand y'a des moyens de surpiffer, y'a trop longtemps que je me balade, la nuit, le jour, sans toi, sans rien. L'excès même de marmelade a fait se trotter mon ange gardien. Et donc tout seul je lève mon drapeau, va falloir tâcher d'être sincère en disant le vrai coup de la misère. Au moins j'aurais payé de ma peau, souffrant pire que les malheureux, parce que plus sensible et nerveux, je peux pas me faire à supporter mes douleurs et ma pauvreté. Oh, ce ne sera pas comme les vidés qui, bien nourris, parlent de nos locs. Faut que j'écrive mes soliloques, moi aussi j'en ai décidé. Je veux plus être désécrasé de la société contemporaine. Je vais dire les mots, les pleurs, les haines, ce qui s'appelle civilisé. Et qu'on me tue ou que j'aille en prison, je m'en fous. Je ne connais plus de contraintes. Je suis l'homme moderne qui pousse sa plainte. Et vous savez bien que j'ai raison. Et vous savez bien que j'ai raison. Voilà, Jean Rictus qui nous faisait un texte de enfin, Rictus qui nous faisait un texte de géant. Du coup, c'est le thème de l'ensauvagement aujourd'hui, et du coup, ça m'a rappelé un texte que j'avais vu passer il y a quelques mois, au moment du premier confinement, un texte espagnol, et je trouvais qu'il y avait des similitudes. Ce texte, il abordait, alors je vais pas le lire et je vais pas lire des extraits, enfin il est très long, il fait 7 pages, donc je vais essayer de le résumer, et je vais essayer de résumer l'idée et vous expliquer plus ou moins clairement comment il fait écho au texte de Darmanin, et comment le texte de Darmanin, l'intervention de Darmanin, le texte des Espagnols, plus ce qui se passe récemment, tout ça fait un petit truc qui bouillonne dans ma tête. Le texte de espagnol, en fait, il décrypte comment, dans l'arrivée du virus, il a vachement été mis en avant par le pouvoir, mais aussi par les médias, etc., son côté sauvage. C'est-à-dire que voilà, il était provoqué par les pangolins et les chauves-souris qui ont contaminé des animaux qui n'avaient pas à être contaminés. Puis après, les animaux ont contaminé les hommes, et puis après, les hommes ont été contaminés. Et puis ce virus s'est répandu de manière exponentielle un peu partout, s'affranchissant des frontières et tout ça, et a contaminé, a essayé éparpillé et maintenant fait des vagues autour de la planète, fauchant les personnes dans des situations de santé plus compliquées, et permettant une réaction guerrière, comme le président l'a annoncé. Et du coup, en fait, il est intéressant d'étudier comment en fait, la notion du sauvage a vachement été mise en avant, que ce soit du coup par les sources du virus, comment ce virus était décrit à chaque fois dans les médias, mais aussi comment il était annoncé. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un monde d'avant, et après le virus, il y avait plus rien. Donc en fait, le virus venait chambouler la civilisation. Et du coup, lutter contre le virus, rentrer en guerre contre le virus, c'était sauver la civilisation. Et la civilisation se devait, du coup, d'attaquer ce virus. Et du coup, qu'est-ce que la civilisation attaque ? C'est souvent le sauvage. L'idée de la civilisation, c'est civiliser ce qui ne fait pas partie de ce qui n'est pas domestiqué. Et qu'est-ce qui n'est pas domestiqué ? C'est le sauvage. En gros, la définition de la sauvagerie, le sauvage, c'est ce qui est fait pour la forêt, ce qui est libre et spontané. Et c'est comme la forêt, c'est ce qui disparaît. Et du coup, le sauvage, c'est ce qui échappe à toute civilisation. Or, la civilisation, c'est ce qui installe et légitime le pouvoir et la domination de quelques-uns sur tous et toutes. La domestication de certains, surtout, c'est ainsi pour civiliser. Les pouvoirs ont guerroyé, massacré, écrasé, parqué, chassé, etc., pour domestiquer, pour civiliser, pour amener la civilisation, et donc chasser la sauvagerie. Et donc, le virus, c'est la sauvagerie. Depuis des siècles et des siècles, le pouvoir chasse ce qu'il considère comme sauvage. L'Apache aux États-Unis ou dans les faubourgs de Paris, les personnes qui étaient là, l'indigène, le colonisé, ne sera pas envahi, chassé, traité, exploité, mais il sera civilisé. Et donc, l'outil de la civilisation, c'est chasser la sauvagerie. Et du coup, le virus et le capital et le pouvoir a besoin de conquérir, de chasser, d'empêcher le sauvage d'être présent. Il doit le repousser, voire l'anéantir pour assouvir son emprise. Et du coup, le virus, c'est ça. Le virus, c'est ce qui vient de quelque chose que le pouvoir ne contrôle pas. Et c'est ce qui attaque, ce qui affaiblit ou pourrait affaiblir l'état de domination dans lequel on vit. Et du coup, c'est pour ça que dans le champ lexical ou dans la présentation, le pouvoir le décrit comme le sauvage, le virus qui n'est pas contrôlable et qui vient de quelque chose qui n'est pas fait par notre société. Or, en fait, c'est notre société qui crée cette situation. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est dans le texte que je mettrai en lien sur le blog de Joirage et Courage. Il décrit super bien comment, en fait, le virus est présenté comme quelque chose de sauvage, et que du coup, la civilisation, notre société, le pouvoir, a besoin de faire qu'un pour lutter contre ça. Et pour lutter contre ça, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre en place des outils de domestication. Et ça, on va voir ça après un petit morceau de Autonomates. Voilà, un petit coup anglais d'il y a quelques années. Ça, c'est pour les vieux. We'll be right back. Et voilà. Du coup, on en était resté à cette question de la domestication. Du coup, la domestication, c'est la civilisation qui lutte contre la sauvagerie. Et donc, il faut domestiquer, remettre de l'ordre dans la situation. Donc, là, en l'occurrence avec le virus, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut... le récit officiel nous suggère qu'en franchissant les barrières des espèces, le virus nous transforme. Mais pas tous à la même enseigne. Et celles et ceux qui se soumettent à la discipline sanitaire et au contrôle social, malades ou pas, on attribue le rôle de victime. Les personnes indisciplinées, quant à elles, sont désignées comme étant les complices du virus, par égoïsme ou par irresponsabilité, et deviennent des boucs émissaires. La période d'incubation du virus facilite l'apparition de la figure du porteur sain, inconscient de sa propre infection. Le récit officiel accorde beaucoup d'attention à cette figure de porteur sain, le culpabilisant, et génère ainsi une atmosphère de méfiance générale proche de la paranoïa. Bref, tout le monde se contrôle. Et tout le monde, doit se soumettre aux exigences, aux normes sanitaires qu'on nous impose. Et donc, pour ça, on s'isole. Dans la question de la... Du contrôle et de la culpabilisation du porteur. Rappelons-nous, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, ce qu'il disait il y a quelques temps, Richard Ferrand, proche d'Emmanuel Macron, hein, donc président de l'Assemblée nationale et aussi agent immobilier à Brest. Voici ce qu'il disait. Hop. C'est que chaque citoyen... Il ne suffit pas d'avoir peur. Il ne suffit pas d'être en colère. Il faut aussi faire attention. Parce que si vous, Madame Bécart, vous, Monsieur Badou, moi-même, nous sommes malades demain, c'est parce qu'à un moment donné, nous n'aurons pas fait aussi attention que nécessaire, soit parce que... Quand on tombe malade, c'est nécessairement de notre faute. Non, ce n'est pas une question de faute, mais ça veut dire qu'à un moment donné... Ça, comment ? Non, c'est fort de café, à entendre. Non, ce n'est pas fort de café, c'est l'exacte vérité. Ça veut dire qu'on ne s'est peut-être pas suffisamment lavé les mains, que l'on n'a peut-être pas suffisamment gardé le masque. Chacun d'entre nous doit être en vigilance pour les autres et pour soi-même, en survigilance. Et c'est quand on se relâche qu'en effet... Eh bien, on laisse ce virus nous attaquer. Mmh. Et donc, nous devons chacun, pour les autres et pour nous-mêmes, être en très très grande vigilance. Et ce n'est pas une question de faute, c'est une question de responsabilité. Voilà, vous l'avez entendu. Si vous avez un proche qui est mort du coronavirus, eh bien, c'est de sa faute. Et du coup, ce propos, il va du coup dans le sens du texte, c'est du coup la culpabilisation. Et du coup, pour faire face à ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se confiner, se surveiller soi-même, surveiller les autres. En Suisse, ils ont mis en place ils ont embauché des chômeurs pour faire le contrôle des masques, pour empêcher les gens ou qui portaient mal le masque, etc., pour les dénoncer auprès de la police et faire le contrôle dans la rue. Bref, c'est organiser un système d'auto-flicage et de flicage des uns des autres. Et là, on en fait, on est en plein dedans. Et du coup, ce que ça donne, le confinement... les contrôles, etc., le couvre-feu, attention, il est bientôt 8h, les rues sont réduites à des lieux de passage pour les travailleurs et les consommateurs, la ville est pacifiée. Cela ressemble au rêve des premiers urbanistes du 19e siècle, devenu réalité. Ces mêmes urbanistes qui ont lutté contre les apaches à Paris, notamment. C'est à cette époque qu'est apparu le terme « contrôle social ». Pour parler du travail des urbanistes qui incorporaient déjà la logique sanitaire à leur projet. La planification urbaine devait ordonner l'espace, la mobilité et les interactions entre les individus pour prévenir l'apparition des pathologies médicales, la maladie, et sociales, les révoltes, les mutineries. Certaines de ces transformations ont eu des effets positifs sur la santé, mais en contrepartie, elles ont accru le contrôle social. À l'époque, comme aujourd'hui, la soumission et le contrôle social sont le prix à payer en échange de la promesse d'une bonne santé. Quand on transpose le récit officiel de l'épidémie au territoire, il se convertit en un mécanisme de gouvernance en étroite relation avec les processus de gentrification. Ce que cache la version officielle, c'est qu'en étant isolés, nous sommes plus vulnérables aux effets de n'importe quelle crise et du capitalisme en général. On accepte tout et on se fait bouffer partout. Ce qu'elle évite de dire aussi, c'est que le verbiage médical sert à maquiller la domestication sanitaire de la population. Donc voilà, c'est un extrait du texte. Et du coup, eh ben, moi je trouve ça super intéressant, cette question de domestication, comment le pouvoir a présenté le virus comme, comme un, quelque chose de sauvage, et comment le sauvage demande la domestication, et comment le pouvoir a instauré, et instauré la domestication, et comment... tous ces semaines et ces mois de couvre-feu, de confinement, d'autocontrôle, de paranoïa, etc. Et ben, quelles traces ça va laisser et comment et ben, on pourra en sortir pour de nouveau créer des solidarités et dépasser ben, ces dominations qu'on subit. Donc voilà. Je vais passer un petit morceau et puis après on va revenir à la situation et au mouvement par rapport aux violences policières et donc à la, ce que certains appellent la sauvagerie policière. Voilà, on va me passer un morceau, hop, c'est genre Rage et Courage, hein, donc faut pas se tenir si ça cafouille un peu. On va passer un morceau. Un morceau, c'est sûr, on va passer un morceau. Tac tac. Et ben. Allez, c'est parti, on va passer ça. Il y a ceux qui cherchent leur ticket et les autres. Passer en force et en groupe, se faufiler discrètement derrière un autre voyageur, ou tout simplement sauter le portique. Pour ces fraudeurs parisiens filmés en caméra cachée, la motivation est souvent la même. Ils prennent au début souvent leur appel pieds joints pour sauter tête la première. Mais pour éviter que la discipline ne se transforme en performance d'acrobate, les règles l'interdisent très vite. Et au tournant du siècle, la méthode des ciseaux s'impose, les athlètes prenant leur impulsion sur leurs jambes extérieures pour franchir la barre. Le tapis se déroule sous tes pieds, escalator et escalier, tous les pistes souffrent des goûts, parfois un goût d'humain. Toujours une personne arrêtée, tu reviens souffle et t'accélères. Tu dis que c'est marche crève, alors marche et crève. Toujours une personne arrêtée, tu reviens souffle et t'accélères. Tu dis que c'est marche ou crève, alors marche et crève. Les contrôleurs fiers de leur tête de chien de garde vont déjà laisser de sympathiser. Crois comme tous les flics qui sont là pour nous réconforter, alors que personne ne s'est pointé quand la copine a failli se faire coller et tirer la sonnette d'alarme pour qu'on vienne l'aider, alors qu'une énième amende va encore me surendetter et surtout crier mon voisin sans papier qui va se rendre dans son pas gratuit, va se faire choper, expulser, qui va se rendre dans son pas gratuit, va se faire choper, expulser. Thank you. n'existe pas mon cœur. La fatalité, ça n'arrange que toi. Alors voilà, vous avez compris, joueur âgé courage, et ben nous on est plutôt pour l'ensauvagement quoi. Alors du coup, il y a quelques semaines, là, quand il y a eu toutes les histoires avec les keufs et tout ça, des fois on a entendu des trucs genre les flics ils se comportent comme des sauvages quoi. Alors nous on en profite pour répondre à cette question là, à ce truc là. Parce que non, les flics ne se comportent pas comme des sauvages. Non, quand ils tombent à plusieurs armées sur un gars, ce n'est pas de la sauvagerie, c'est du contrôle social. Quand ils tirent dans le dos, ce n'est pas de la sauvagerie, c'est du maintien de l'ordre. Quand ils n'assistent pas les migrants qui se noient par centaines dans la Méditerranée, c'est pas de la sauvagerie, c'est de la gestion des flux. Quand ils harcèlent les migrants à Paris, à Calais et ailleurs, c'est pas de la sauvagerie, c'est de la routine. Quand ils contrôlent, quand ils harcèlent, quand ils tuent, quand ils tabassent, quand ils mutilent, c'est pas de la sauvagerie. C'est la police. C'est la police qui police. C'est la civilisation qui avance. Alors que les choses soient claires, nous, on s'en fout de les filmer. Nous, les marches pour donner l'autorisation de filmer les violences policières, en fait, on n'en veut pas, on veut pas les filmer, on veut qu'ils dégagent de nos vies. Alors voilà, si c'est ce que certains appellent s'ensauvager, ok, pas de souci, on va s'ensauvager. Voici un petit morceau pour s'ensauvager, un petit sample d'abord, et puis après un morceau de Enfance Sauvage qui nous parle des chiens. Voilà, on est tous des chiens. Allez, le son qui part bien, c'est bien. Mords-moi encore, petit sauvage. Mords-moi encore, petit sauvage. Oui, petit sauvage. Enfant sauvage, les chiens, c'est parti. On va être comme lui, on va être un chat d'arrêt, les chats qui quittent la domestication pour devenir sauvages. La joie est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. Joie, rage et courage. Le courage, c'est la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. Joie, rage et courage. La rage, c'est le besoin ou le désir irrépressible de quelque chose. Voici, c'est ainsi, de manière cafouilleuse, approximative, un peu foireuse, mais toujours avec plein de joie, rage et courage, qu'on reprend l'antenne. Donc, la fin d'émission approche. On mettra les références du texte, des différents sons, de la playlist et tout ça, sur le blog joie, rage et courage.noblogs.org. Et puis, dedans, on mettra plein d'autres choses. On se retrouve en janvier, le troisième dimanche de janvier. Et puis, cette émission est faite avec une pensée toute particulière pour les personnes qui galèrent et qui souffrent de ce climat anxiogène et puis du confinement, du couvre-feu, etc. Grosse pensée à eux et une grosse pensée aux personnes isolées et enfermées, ou que ce soit en prison ou ailleurs. Si vous voulez nous envoyer des remarques, des idées, on a toujours une boîte mail qui s'appelle clapclap, clap@riseup.net, riseup.net. Et puis on quitte avec ça. Et puis le mois prochain, on parlera de réinsertion sociale. Voilà, de réinsertion sociale pour les sauvages que nous sommes.